بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم انفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا الله، on te demande avec tes plus beaux noms, tes plus beaux attributs, toi qui as les perfections parfaites, on te demande de nous apprendre ce qui va nous être utile et de nous rajouter de la science, de ne pas nous laisser à nos propres âmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil, de mettre la baraka dans nos paroles et de faire qu'on soit sincère dans nos actes et dans nos paroles. Robert. Donc, alhamdoulilah, on a vu la définition de la foi dans la langue arabe. On avait vu la définition de la foi chez les gens de la Sunna. On avait vu aussi la grande règle. On avait expliqué le verset d'où était tiré le titre du livre de Cheikh Mohamed Saadi. Et dernièrement, on avait rappelé l'importance d'une règle immense qui était que le fait que l'intérieur et l'extérieur sont toujours liés. L'intérieur à l'extérieur et l'extérieur à l'intérieur sont toujours liés. On avait dit, sauf chez deux catégories de personnes, qui sont d'une part les hypocrites, qui montrent l'islam et qui cachent la mécréance, donc on parle des grands hypocrites. Et la deuxième catégorie de personnes pour qui l'intérieur et l'extérieur ne sont pas toujours liés, c'est la personne qui est contrainte. Donc à savoir que cette personne contrainte, elle va montrer la mécréance et alors que dans son fort intérieur, il y a l'islam. Donc on a dit à part ces deux types de personnes, l'intérieur et l'extérieur sont toujours, toujours, toujours liés. Et on avait dit aussi que, donc on avait rappelé, on avait dit que l'iman, c'est des paroles et des actes. Paroles intérieures, donc qui sont les croyances, les actes du cœur intérieur. Les paroles extérieures, la parole de la langue qui est le fait, quand tu entres en islam, de prononcer les deux shahada, les actes de l'extérieur avec les membres, comme par exemple faire la prière, et les actes de la langue qui sont toutes les obéissances qui sont faites avec la langue. Donc on avait défini aussi ce qu'était une obéissance, on avait dit que toute obéissance, toute chose qui est conforme avec l'ordre, ou toute chose qui fait qu'on ne va pas faire l'interdit, c'est une obéissance, et toute obéissance est de l'iman. D'accord? Donc ici, quand on avait dit que l'intérieur et l'extérieur sont toujours liés à part ces deux personnes, si on reprend l'exemple du palmier, puisqu'Allah nous a expliqué la foi avec un palmier, donc on va dire que le vrai palmier qui est complet, c'est le croyant qui a complété sa foi. Celui-ci, dès qu'il meurt, comme les textes de Coran et de Sunna l'ont montré, dès qu'il meurt, il va au paradis. Quant à l'hypocrite, les gens qui ont étudié, donc on a dit le faux palmier, c'est un hypocrite. Et les gens qui ont étudié connaissent les caractéristiques des hypocrites. Ainsi, si l'hypocrite montre ses caractéristiques, la personne qui aura étudié saura qu'un tel est hypocrite, puisqu'Allah l'a montré les actes extérieurs des personnes qui prétendent la foi, mais qui sont hypocrites. Quant au contraint, si on reprend l'exemple de l'arbre, du palmier, c'est tout simplement un vrai palmier qui est bon, qui est bien, qui est ferme, mais qu'on va déraciner de force. D'accord? Et si on reprend l'exemple du palmier, quant aux mécréants, c'est pas un palmier, c'est un arbre qui n'a aucune stabilité, aucune utilité, comme Allah il les a décrits dans sourate Ibrahim. D'accord? Donc ici, on a dit que le but principal de ce rappel, c'est bien sûr de comprendre l'iman, mais une fois qu'on l'a compris, de le réaliser. De comprendre l'iman, mais une fois qu'on l'a compris, de le réaliser. Et donc, c'est des cours vivants. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, on doit savoir que l'iman, il monte et il descend. Donc on sait qu'il monte avec des obéissances et on sait qu'il descend avec des péchés. Et on sait que l'intérieur et l'extérieur sont liés. Donc on sait que si on se force à faire les obéissances avec l'extérieur, alors forcément ça va avoir un impact dans notre cœur à l'intérieur et notre hymen va monter. Donc quand notre foi, elle baisse, on s'efforce à faire des obéissances extérieures pour qu'elle remonte. D'accord? Et on s'éloigne des péchés pour pas que cela influe dans notre cœur et sur notre foi. Donc on a, comme ça, on a une vision globale maintenant de cet arbre. Et pour continuer, Inch'Allah, aujourd'hui on va aborder, on en avait parlé rapidement, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc on avait dit que cet arbre, il se nourrit de science, et on avait dit que la science pour l'arbre, c'est l'eau, de même que nos cœurs se nourrissent de science. Et on avait dit que la science, ici, elle doit être prise dans la bonne source, qui est le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs. Le Coran et la Sunna avec la compréhension des salafs. Donc, quand l'eau, quand cette science est prise à cette source, elle a un impact directement sur le cœur, elle guérit le cœur, et elle fait en sorte que l'extérieur est bon pour toute chose. Ibn al-Qayyim dit dans Dao Dawa, Ibn al-Qayyim dit dans un livre qui s'appelle, il a deux titres, il a soit Le mal et son remède, soit il a un autre titre qui s'appelle La réponse suffisante à celui qui a demandé un remède. Donc dedans, il dit, en introduction, il dit que le Coran est une guérison pour toutes les maladies. Donc la maladie du doute, la maladie des passions, la maladie des ambiguïtés, et même la maladie des corps. Ensuite, il dit, et certes, Allah n'a pas fait descendre de meilleur remède que le Coran. Allah n'a pas fait descendre de meilleur remède que le Coran. Donc on a dit ici, quand l'eau est puisée à la bonne source, l'eau qui correspond à la science, elle est puisée à la bonne source, elle vient, elle guérit le cœur de toute ambiguïté que le cœur peut avoir, ou de toute passion que le cœur peut avoir. Et quand le cœur il est guéri, alors forcément ça se voit à l'extérieur, et l'extérieur sera bon. Donc aujourd'hui, on va parler de l'ambiguïté, Inch'Allah. Tout d'abord, on va la définir, Inch'Allah. Donc l'ambiguïté, ça vient en arabe, c'est quoi? C'est shaba, ça vient de shaba yushbihu. Shubhat. Shubha, shubhat. Donc ça veut dire, une ambiguïté en arabe, ça vient de quoi? De ressembler. C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'est pas la vérité. C'est quelque chose qui ressemble à la vérité, et qui n'est pas la vérité, et que des gens peuvent prendre ou peuvent croire comme étant une chose qui est une vérité. À savoir que les ambiguïtés, elles sont de différentes sortes, et elles sont plus ou moins graves ou plus ou moins dangereuses selon ce à quoi elles touchent. Il y a des ambiguïtés tout simplement concernant l'existence de Dieu. D'accord? C'est pour ça que si vous regardez aujourd'hui beaucoup dans les publicités à la télé ou même des fois dans le langage des gens, il y a des expressions que les gens utilisent. Parfois, ils font exprès. Et parfois, c'est des ambiguïtés qui sont prises. Comme par exemple, ils disent la nature fait bien les choses. Ou quand ils disent catastrophe naturelle. D'accord? Ici, il n'y a pas de la nature fait bien les choses. C'est Allah Azzawajal qui a créé toutes choses. Quant aux catastrophes naturelles, on ne voit pas comment la nature elle-même pourrait bouger et faire une catastrophe elle-même, on ne voit pas comment elle pourrait agir sur elle-même. D'accord? Et plein de choses que vous retrouvez souvent dans les publicités qui sont faites exprès. Elles sont faites exprès par les têtes de la mécréance qui ont pour but d'enlever la croyance de Dieu dans la vie des gens. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La principale, c'est que quand ils vont envoyer la croyance de Dieu chez les gens, ils vont pouvoir les manipuler comme eux, ils veulent ensuite. D'accord? Donc on a dit que les ambiguïtés sont nombreuses. Là, on vient de dire l'ambiguïté quant au fait de la création de Dieu, l'existence de Dieu. Il y a l'ambiguïté quant à la religion, d'une manière générale, et il y a l'ambiguïté quant à l'islam. Faire croire que l'islam n'est pas la vraie religion. Le professeur Hassan nous a informé que les gens, dans un hadith authentique, il a dit, les gens ne cesseront de se dire qui a créé cela, cela, cela, cela. Il nous montre des choses, il nous parle des choses qui ont été créées. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils vont dire quoi? C'est Allah qui a créé ces choses-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous ont dit que Shaitan vient et dit aux gens Qui a créé Allah? Le prophète Sassoum ici, il nous a dit quoi? Il nous a dit, si ça vient, dites, j'ai cru en Allah. Qulu amantu billah. Dites, j'ai cru en Allah. Ici, si Shaitan y vient, c'est pas la peine de faire des débats avec lui ou de. Dites simplement, j'ai cru en Allah. Subhanallah, je suis en train de vous parler des ambiguïtés sur l'existence de Dieu. Et là, en dessous de Paltok, il y a la publicité pour un jeu où ils mettent des dieux. Ça aussi, c'est parmi leurs grandes ambiguïtés. C'est que s'ils n'arrivent pas à t'éloigner de la croyance en Dieu, ils vont te faire croire qu'il y a plusieurs dieux. D'accord? Donc ça, c'est très répandu chez les gens. Et nous, comme on vit en France, on a besoin aussi de ça pour pouvoir répondre aux gens. D'accord? Donc ici, le professeur Sam, il a dit, quand le shaitan vient et te dit, qui a créé Allah, dit, j'ai cru en Allah. Donc les autres ambiguïtés aussi, donc on a dit sur, il y a des ambiguïtés concernant la véracité de l'islam. À savoir, je vous ai déjà dit le verset, mais on le répète, alhamdoulilah. Allah l'a dit dans la sourate 25, verset 33, ils ne viendront pas avec une ambiguïté sans que nous apportons une réponse meilleure. Donc Mohamed Abouab et d'autres ont dit que ici, le Coran répond à tout type d'ambiguïté qui touche la religion, et ce, jusqu'au jour du jugement dernier. Toute ambiguïté qui va toucher la religion, que ce soit l'existence d'Allah, que ce soit sur la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit sur, par exemple, le jour du jugement dernier, toutes ces ambiguïtés, le Coran, il y a répondu. D'accord? On va donner un exemple. Donc, les ambiguïtés, elles touchent. On a dit, elles touchent aussi la véracité de l'islam, mais elles touchent aussi la voie véritable de l'islam. La voie véritable de l'islam. D'accord? On va donner dans le Coran une ambiguïté et on va voir comment l'Azogel a répondu à cette ambiguïté. Dans le verset 121, sourate 6, l'Azogel dit, dans le sens en français, ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car cela est une perversion. Les djinns parmi les êtres humains, les shayatines parmi les êtres humains et les djinns, se révèlent des choses entre eux dans le but de vous égarer. Si vous les suivez, vous serez égarés. Ici, je vais vous expliquer comment les versets sont descendus. Vous trouvez ça dans Tafsir Qurtubi ou d'autres tafsirs. Donc, il y a un groupe de mécréants ou des mouchriquines ou des juifs qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, qui tue la bête morte? C'est des mécréants, ils ne vont pas dire Ya Rasulullah. Ils ont dit, Mohammed, qui tue la bête morte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Allah qui tue la bête morte. D'accord? Donc ils ont posé une question, qui tue la bête morte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Allah qui tue la bête morte. Eux, ils ont dit quoi après? Ils ont dit, comment ça se fait que vous, les musulmans, quand vous mangez de la viande, vous devez l'égorger? Les mains d'Allah, ce qu'Allah tue avec ses mains, c'est haram pour vous. Et ce que vous vous tuez, c'est halal. Les mains d'Allah sont meilleures que les vôtres. Je répète tout doucement, inshallah. D'accord? Une fois qu'ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, qui tue la bête morte? Une bête que vous trouvez morte, qui la tue? C'est Allah. D'accord? Et Allah, il nous a interdit de manger cette bête morte, n'est-ce pas? Qui fait les lois? C'est Allah. Donc Allah il nous a interdit de manger la bête qu'il tue lui-même. Il nous a demandé, quand on veut tuer une bête, de dire Bismillah, d'accord? Et après, on peut la manger. Donc la bête qu'Allah, lui, tue, elle est interdite pour nous. Et la bête que nous, on tue, elle est halal pour nous. C'est ça l'ambiguïté avec laquelle ils sont venus. Ils ont dit, mais c'est pas logique. Les mains d'Allah sont pas plus nobles que les vôtres, d'accord? Ici, en vérité, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ici, on voit que la raison, elle ne va pas toujours avec la révélation. Comme il dit Ali, radiallahu anhu, il dit quoi? Par rapport au fait d'essuyer sur le khawf, sur le khawf. Par rapport au fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Ce qui est connu, c'est qu'on essuie sur le dessus. Donc Ali, il dit quoi? Il dit, si l'allusion fonctionnait avec la logique, normalement, quand tu marches, toi, tu salis en dessous. Donc si ça fonctionnait avec la logique, on essuierait en dessous. D'accord? Donc ici, ils ont dit, bah, les mains d'Allah sont plus nobles que les vôtres. Normalement, si vous mangez quelque chose, la bête morte, vous pouvez la manger. Et vous, ce que vous tuez avec votre main, vous ne le mangez pas. Ici, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'Allah Azzajal, c'est lui qui descend les lois. Et lui, il nous a ordonné de manger la bête qu'on tue nous. Pour qu'on la mange, il faut qu'on dise Bismillah et qu'on l'égorge. D'accord? Et lui, il nous a interdit de manger la bête qui est tuée comme ça. Donc il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Donc celui qui fait les lois, lui-même nous a interdit de manger la bête qu'il tue lui-même. Il n'y a aucune contradiction ici. On voit ici, si on revient sur le verset, que Allah Azzawajal, quand eux sont venus avec ça, lui il a fait descendre les versets. D'accord? Quand eux ils ont dit quand ils ont dit qui tue la bête morte, le professeur Sam il a dit c'est Allah, eux après. Allah il a révélé à cette occasion, ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Regardez, ne mangez pas, c'est un impératif, une interdiction. Après, Allah il a dit, ceci est une perversion. Donc il a interdit, puis il a qualifié. Il a qualifié cet acte. Cet acte, c'est une perversion, Allah il a dit. Après, regardez, Allah il a indiqué d'où venait cette ambiguïté. Et il a dit, certes, les shayatines parmi les êtres humains, ou parmi les djinns, qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils se révèlent des choses entre eux. Ils se révèlent quoi? Ils se révèlent des choses entre eux, donc ils se révèlent des ambiguïtés. Dans quel but? Pour vous égarer. Donc regardez le but des ambiguïtés, qu'elles viennent des shayatines parmi les êtres humains ou les djinns, c'est de d'égarer les gens. D'accord? Et Allah Jul, à la fin, il a donné le jugement, le hukm, de celui qui dit que la bête morte, tu peux la manger. Il a dit, si vous leur obéissez, alors vous serez des associateurs. Si vous leur obéissez, vous serez des associateurs. Ici, c'est de l'association dans quoi? Dans l'obéissance, dans ta'a. Celui qu'on doit obéir, c'est Allah Azzawajal. D'accord? Donc, ici, vous avez vu comment le verset il a répondu aux ambiguïtés de manière claire. Ce qu'on peut tirer donc du verset aussi, c'est que les shayatines parmi les êtres humains et les djinns, eux, mettre des ambiguïtés chez les gens. D'accord? À savoir que quand l'ambiguïté, elle touche le cœur, la personne s'affaiblit et ne peut plus adorer Allah Azzawajal. D'accord? Donc, l'ambiguïté, le Coran, il a répondu à toutes les ambiguïtés. D'accord? Donc, quand on a une ambiguïté, ou quand on ne comprend pas une chose, ce qu'il faut faire, c'est invoquer Allah, demander à Allah de nous faire comprendre. Comme le prophète Sansoni disait, Ya Allah, tu juges entre tes serviteurs, c'est toi qui vas juger entre tes serviteurs, guide-moi dans la vérité sur ce sur quoi ils ont divergé. D'accord? Donc, quand il y a une ambiguïté ou une chose qu'on n'a pas comprise, elle nous arrive dans la vie, on invoque Allah et on cherche dans le Coran et dans la Sunna. On demande aux gens de science si on ne sait pas. D'accord? Donc dans ce verset, comme il a dit le Baraoui, il y a une preuve que celui qui fait les lois seul et celui qui interdit les choses ou celui qui ordonne les choses, celui qui donne le permis, celui qui donne l'interdit, c'est Allah Azzajal seul. D'accord? Donc on peut tirer principalement de ce verset aussi que les mécréants ne cesseront de combattre l'islam. Mais parmi les choses avec lesquelles ils combattent le plus l'islam, ce n'est pas les armes. Les armes, c'est que le résultat. Les choses avec lesquelles ils combattent le plus l'islam, c'est d'abord les ambiguïtés. C'est de mettre des ambiguïtés chez les musulmans. D'accord? Quand les musulmans auront des ambiguïtés, ils seront faibles et ne pourront pas accomplir tout ce que Allah Azzawajal leur a donné, leur a ordonné. D'accord? Donc, regardez. L'ambiguïté, elle touche la personne proportionnellement à sa faiblesse de science. Et plus tu as de la science, et moins l'ambiguïté va te toucher. D'accord? Et parfois, Le fait d'avoir une ambiguïté, c'est aussi le chemin de la science, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te trompes dans une chose, puis tu fais des recherches, et quand tu te trompes dans cette chose, et que tu as fait des recherches, après ta science, ça va être ferme, et tu ne vas plus te tromper. D'accord? C'est pour ça que quand on dit que le Coran, il répond à toutes les ambiguïtés, alors Jules, quand dans le Fatiha, on a dit « Ihdina as-sirat al-mustaqim »« Guide-nous dans le chemin droit », après, dans le Fatiha, on a dit Royeril Mardoubi alayhim ou la Dalim. Non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire les Juifs et ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui ont su mais qui n'ont pas appliqué. Voilà Dalim, c'est les égarés, les chrétiens et ceux qui leur ressemblent, ceux qui agissent mais qui n'ont pas de science. D'accord? Donc on demande à Allah de nous guider dans le chemin droit. Et donc le chemin droit, c'est le chemin de science et d'action. D'accord? Donc ce chemin, il est différent à celui des chrétiens, puisque tu as la science et tu agis, et eux n'ont pas de science. Et il est différent de celui des juifs, car ils ont la science et ils n'agissent pas. Donc toi, tu demandes à Allah d'avoir la science et d'agir. D'accord? Et donc ce chemin droit, son premier pas, c'est la science, connaître. D'accord? La science correcte. Et comme il faut, tu ne peux pas être guidé si la science n'est pas correcte, de même que si ton guide, ou si la chose à laquelle tu te réfères, elle a des ambiguïtés, alors tu ne trouveras jamais la guidance. C'est pour ça que quand on a demandé ça et qu'on demande ça à chaque prière, eh bien là, dans le deuxième verset de Sourate Baqara, Allah nous a répondu. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Voici le livre, donc le Coran, sur lequel il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, sois apaisé, sur le livre, il n'y a aucun doute. Il vient d'Allah. Après Allah, il a dit quoi? C'est un guide pour les pieux. D'accord? Comme les juifs et les chrétiens, eux, ils n'ont plus de livre pour se guider, car leur livre, il a été falsifié, il a été changé par les hommes. Ils ne peuvent plus être guidés puisqu'ils n'ont pas de source, ils n'ont pas la science ferme par laquelle ils vont pouvoir se guider. Ici, Allah Azzawajal, il t'explique et il t'informe et il te donne la bonne nouvelle que le Coran, c'est un guide pour les pieux. C'est un guide pour les pieux. Et Allah Azzawajal, dans l'autre verset du Coran, Allah Azzawajal, il dit quoi? Nous avons fait descendre le dhikr, le rappel, donc le Coran, et nous le préservons. Donc Allah, je lui ai informé que le Coran, c'est un guide et qu'il l'a préservé. Donc, si tu veux être guidé, eh bien, il ne te reste plus qu'à faire quoi? Qu'à suivre le Coran et à étudier le Coran. Et quand tu as des ambiguïtés, tu reviens au Coran. Donc, parmi les plus grandes ambiguïtés qui sont données, donc on a dit l'ambiguïté, ça correspond à la bonne eau, la bonne source qui vient et qui soigne ton cœur. D'accord? Donc parmi les plus grandes ambiguïtés, c'est les ambiguïtés qui tournent autour de la compréhension de la shahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Yani, les ambiguïtés par rapport à la réalité du double témoignage de foi, ainsi que sa signification, ainsi que ses implications. D'accord? Comme il dit Mohamed Abouaib, il dit, quel bien peut-il y avoir chez un homme? Abu Jahl connaît mieux la signification de la ilaha illallah que lui. Il n'y a aucun doute que, donc pour entrer dans l'islam, tu dois dire, je témoigne. Tu témoignes que quoi? Que la ilaha illallah. Donc ici, je témoigne, comme nous ont dit les savants, le premier pilier du témoignage, c'est quoi? C'est la science. Car tu ne peux pas témoigner sur une chose dont tu n'as pas connaissance. Si quelqu'un nous dit avoir vu un accident ou nous dit avoir entendu une nouvelle, et suite à ça, on lui dit, tu as vraiment vu l'accident ou tu as vraiment entendu cette nouvelle, et il te dit, non, mais en fait, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit, mais la personne qui m'a dit, je ne suis pas sûr d'elle. Ici, elle n'a pas témoigné. Son témoignage est faux. Le témoignage, d'accord, il est basé sur la science. Donc nous, dans nos vies de tous les jours, on n'accepte pas de témoignage quand ce témoignage vient d'une personne menteuse, d'une personne douteuse, ou même d'une personne sincère mais qui n'est pas sûre. Nous, on ne l'accepte pas. Est-ce qu'on va croire que Allah Azzawajal, il va accepter un témoignage dans lequel il n'y a pas de science? D'accord? Donc quand tu dis ashhadu, c'est-à-dire moi je témoigne, ana ashhadu, moi je témoigne. Tu témoignes donc, il faut que tu aies de la science. Et tu témoignes de quoi? De la ilaha illallah. Donc ici, cette parole, elle a une signification, d'accord? Si tu connais pas la signification de cette parole, Comment tu peux témoigner de cette parole? De même que si tu as des ambiguïtés quant à la réalité ou la signification de cette parole. Si tu as des ambiguïtés sur ça, alors tout le reste va être ambigu, d'accord? Parce que si on reprend l'exemple de l'arbre, on avait dit que l'eau, qui correspond à la science correcte, elle est puisée dans la bonne source, qui est le Coran et la Sunna, avec la compréhension des salafs. On a dit que cette eau, dès qu'elle tombe, elle arrose la terre, et la terre profite, et les racines profitent, et le tronc profite, et les feuilles profitent, et les fruits profitent, tout l'arbre profite. Mais avec quelles conditions? Avec la condition que cette eau est bonne. Donc de même, la science, quand elle est bonne, tout ton corps profite, d'accord? Et quand elle est bonne et ferme, ton cœur est ferme et l'extérieur est ferme, comme la terre et les racines et l'arbre sera ferme en entier. Mais si il y a un problème dans cette eau, si l'arbre, on l'arrose avec de l'eau de Javel, on voit bien que l'arbre, il va tomber malade, il va même peut-être finir par mourir, d'accord? Donc il en est de même, il en est de même pour nous, si on attrape une ambiguïté dans la base de l'islam, alors tout le reste va être mauvais après. D'accord? Donc ici, on a dit quoi? Les ambiguïtés qui tournent autour de la shahada, d'abord c'est la compréhension. D'accord? À savoir qu'il y a beaucoup de gens qui définissent la ilaha illallah comme étant il n'y a pas de créateur si ce n'est Dieu. D'accord? Il n'y a pas de créateur si ce n'est Dieu. Est-ce que ça fait partie de la ilaha illallah? Répondez-moi. J'ai posé une question précise. Hein. J'ai dit, est-ce que il n'y a pas de créateur si ce n'est Dieu? Est-ce que ça fait partie de la ilaha illallah? J'ai dit, est-ce que ça fait partie? Non, voilà. Ça fait partie, mais c'est incomplet. Donc c'est une des choses. C'est une des choses. Donc la ilaha illallah, ça fait partie, mais c'est incomplet. Comme on dit, si tu dis qu'une voiture, elle a quatre roues, c'est juste ce que tu as dit, mais tu as oublié le moteur, tu as oublié plein de choses qui composent la voiture. Donc c'est une partie ici, le fait de dire qu'il n'y a que la ilaha illallah, il n'y a pas de créateur, si ce n'est Allah, c'est une partie. Mais la ilaha illallah, ce qui est voulu dire, c'est quoi? C'est nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et pourquoi Allah il est en droit d'être adoré? Et pourquoi c'est le seul qui est en droit d'être adoré? Parce que c'est le seul qui possède les perfections parfaites. C'est le seul qui possède les noms, les attributs parfaits. Car Allah Azzawajal, il possède la perfection parfaite, d'accord? Il possède les noms, les attributs parfaits. Et dans ces noms et ces attributs parfaits, c'est le Créateur, c'est le Savant, c'est celui, c'est le Miséricordieux, d'accord? Et tout cela, ça rentre dans la ilaha illallah. Comme il dit Ibn al-Qayyim, il dit, Allah, c'est le nom principal d'Allah. D'accord? Et tous les autres noms, c'est une explication de qui est Allah. Allah, il dit quoi? Walillahi al-asma ul-husna fad'uhu biha. Allah appartient les noms les plus parfaits, invoquez-le avec. D'accord? Donc, ici, réduire ou expliquer la ilaha illallah simplement en disant qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Si tu définis la ilaha illallah en disant que ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, c'est faux. Et c'est une grosse erreur et tu t'es trompé. Si par contre tu dis qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah, c'est une composante de la ilaha illallah, tu as raison. Mais pour la définir correctement, tu dois dire quoi? Que la ilaha illallah, donc c'est une négation et une affirmation. Donc la négation, c'est nul ne mérite d'être adoré. D'accord? Et l'affirmation, sauf Allah. Donc tu dois nier le droit d'être adoré à tout autre qu'Allah, et tu dois l'adorer, tu dois l'affirmer à Allah seul. Donc ici, on avance. Ici, il faut comprendre que les ambiguïtés qui tournent autour de ça, tout le reste, après, tout le reste, ça va être des implications de ces ambiguïtés. Ici, quand je dis qu'il y a des ambiguïtés, là, je suis en train de parler de la communauté musulmane. Je suis en train de parler des musulmans. D'accord? Faites le test autour de vous. C'est pas pour tester les gens. C'est simplement pour, malheureusement, se rendre compte que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est venu étranger, il redeviendra étranger, fais bonne annonce aux étrangers. C'est juste pour te rendre compte que l'islam est étranger. Et c'est pour te rendre compte aussi de la faveur d'Allah Azzawajal sur toi qui t'a appris. Et c'est pour te faire peur aussi et pour te rendre compte que si tu n'apprends pas, et que si tu ne demandes pas à Allah Azzawajal, et si tu ne fais pas les efforts, tu risques de te retrouver avec tout le troupeau. Ici, le troupeau dont je parle, c'est le troupeau. parle pas de moutons, parce que je ne veux pas dire que les musulmans, c'est un troupeau de moutons. Je dis juste un troupeau. Tu risques de te retrouver avec ce troupeau de gens qui sont insouciants. D'accord? Ils sont insouciants et ils n'apprennent pas. D'accord? Donc ici, forcément, si tu crois que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur si ce n'est Dieu, ben forcément, alors tu es rentré dans un système. Et donc pour sortir de ce système, il faut que tu dises que Dieu, ce n'est pas le créateur de toutes choses. Forcément, tu ne vas pas sortir juste en annulant ça. D'accord? Comme un frère me disait, c'est un frère converti, il est converti depuis 1 an et demi et il m'a dit, il y a simplement quelques mois, ça fait simplement quelques mois que j'ai appris qu'il y avait dans l'islam des annulatoires. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il y a des annulatoires dans l'islam. S'ils ne savent pas qu'il y a des annulatoires dans l'islam, ils sont plus à même de tomber dedans. D'accord? Si on ne sait pas qu'il y a des annulatoires, on est plus à même de tomber dedans. D'accord? Alors que ici, si on revient donc à la ilaha illallah, on a dit que ça veut dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. D'accord? Je vous pose une question, inshallah. Celui qui définit la ilaha illallah en disant il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. C'est juste ou c'est pas juste? C'est précis ou c'est pas précis? Je répète. Hein. Celui qui définit la ilaha illallah en disant il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Est-ce que cette définition, elle est juste? Naam, en droit d'être adoré. C'est pas précis, naam. Et pourquoi il faut rajouter en droit d'être adoré? Pourquoi il faut rajouter en droit d'être adoré? Parce qu'il y a des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Il y a plusieurs divinités qui sont adorées en dehors d'Allah, mais elles ne sont pas dignes d'être adorées. D'accord? Il y a des gens qui adorent des sorciers, il y a des gens qui adorent des stars, il y a des gens qui adorent des joueurs de football, il y a des gens qui adorent les femmes, il y a des gens qui adorent plein de choses. Mais tout ça, toutes ces choses-là, pour ces gens-là, c'est des divinités. Car elles auront donné des choses qu'on donne à la seule divinité, comme les actes du cœur, comme l'amour, comme la peur, comme plein d'actes du cœur ou plein d'actes extérieurs. Mais ces divinités sont des fausses divinités. Elles ne sont pas en droit d'être adorées, puisqu'elles n'ont aucune caractéristique de divinité. Au contraire, ce sont des créatures faibles. D'accord? Donc on a dit ici. Les ambiguïtés les plus importantes, c'est celles qui touchent la base de la compréhension de l'islam. Et on a dit que si tu as une ambiguïté dans la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tout le reste va suivre. Regardez, parmi les gens, il y a beaucoup de gens qui ont une place, entre guillemets, des gens qui étaient intelligents, qui avaient une certaine culture, et qui ont parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant c'est un génie, c'est ceci, c'est cela, etc. D'accord? C'est quoi le problème? C'est qu'ils ont regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas regardé comme étant un prophète. C'est-à-dire tout le miracle avec lequel il est venu, ils ne se sont pas dit à la fin c'est un prophète, d'accord? Mais ils ont dit juste c'est un génie et il est très intelligent, etc. etc. Donc ici, c'est quoi l'ambiguïté? L'ambiguïté, c'est que si tu ne vois pas que c'est un prophète, alors tu ne vas pas être obligé de lui obéir, puisque le prophète, c'est le lien entre nous et Allah. Et donc, il est envoyé par Allah avec un message pour l'humanité et les gens doivent l'obéir. Donc, tant que tu regardes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne le regardes pas comme un prophète, et bien pour toi, même si ça reste un génie ou la personne la plus intelligente, tu n'es pas obligé de suivre. Et donc, il y a beaucoup de gens qui avaient des places importantes dans nos sociétés qui ont vu les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'ont pas regardé en étant quoi? En étant un messager. D'accord? Donc ici, les ambiguïtés quant au témoignage de foi, elles arrivent comment? Elles arrivent par le fait de s'éloigner du Coran. Parmi les plus grandes ambiguïtés que Shaitan aime, c'est quoi? Donc Shaitan d'abord, lui, il préfère les ambiguïtés, il préfère faire tomber une personne dans les ambiguïtés ou dans les innovations plutôt que de le faire tomber dans les passions. Une personne qui tombe dans les passions, par exemple si elle boit de l'alcool, elle tombe dans la drogue, dans la fornication, d'accord? La personne, elle sait que ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien. Donc, Inch'Allah, un jour ou l'autre, elle va se repentir. Tandis que la personne qui tombe dans une ambiguïté, elle croit qu'elle est en train de se rapprocher d'Allah. Elle ne voit même pas le mal. Donc, Shaitan, il préfère les ambiguïtés ou faire tomber les gens dans les ambiguïtés plutôt que faire tomber les gens dans les passions. D'accord? Et parmi les plus grandes ambiguïtés de Shaitan, c'est d'éloigner la personne de la science. D'accord? Donc, d'éloigner la personne du Coran. Donc, parmi les plus grandes ambiguïtés qui touchent le Coran, c'est de faire croire aux gens, de faire croire aux musulmans que le musulman ne peut pas comprendre le Coran. Comme il dit Mohamed Abouab dans l'Usul Sitta, dans les six. Comme il dit dans l'Usul Sitta, il dit quoi, Mohamed Abouab? Il dit quoi? Il dit que, et parmi les plus grandes ambiguïtés, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'ils ne peuvent pas comprendre le Coran que s'ils ont atteint le niveau de mujtahid. Que s'ils ont atteint le niveau de mujtahid. Après, il donne un exemple, il dit ce niveau qu'on n'aurait pas atteint Omar ou Abu Bakr. C'est-à-dire que tant que ces gens-là, ils n'ont pas atteint ce niveau-là, alors ils ne peuvent pas comprendre le Coran. D'accord? Et ça, c'est une des plus grandes ambiguïtés de Shaitan qu'il met aux gens. Pourquoi? Parce qu'il va les éloigner du Coran. Une fois qu'il va les éloigner du Coran, alors il va pouvoir les égarer comme lui, il veut. Alors je lui dis quoi? Ceux à qui nous avons donné le livre, ils récitent le Coran d'une vraie récitation. Ici, en arabe, c'est yatlou, yatlouna. Il récite, si vous voulez en français, on va traduire par il récite. Mais ce qui est voulu, ce n'est pas juste la récitation. Comme il a dit Ibn Mas'ud, ça veut dire que il, par rapport au livre, au Coran, il rend halal son halal, il rend permis son permis, il rend illicite son illicite, d'accord? Et il le lise aussi correctement. Quand ils le lisent correctement. D'accord? Donc, on a dit parmi les plus grandes ambiguïtés, c'est d'éloigner les gens du Coran et de la science. Parmi aussi les plus grandes ambiguïtés, c'est les ambiguïtés qui touchent. Donc, juste avant de revenir à ça, Ibn Abbas, il a dit, par rapport au Coran, il a dit il y a quatre types de versets. Un verset dont seul Allah connaît l'essence, un verset dont seuls les gens qui sont forts dans la langue arabe connaissent l'essence. Un verset dont seuls les savants connaissent l'essence. Et après, il a dit un type de verset dont personne n'est excusé d'ignorer le sens. Et ici, il parle des versets qui parlent du tawhid ou du shirk. Ou qui parlent de faites la prière. D'accord? On va répondre à cette ambiguïté juste de manière, juste avec la raison. D'accord? Allah Azzawajal nous a informé que il a descendu le Coran comme étant un guide. D'accord? Et ce Coran, c'est la base sur laquelle les gens ils vont être jugés le jour du jugement dernier. Si maintenant les gens ils vont être jugés sur une chose et que cette chose-là, ils ne peuvent pas la comprendre, alors ça veut dire que le jour du jugement dernier, quand ils vont arriver devant Allah, ils vont dire, certes, Allah, tu nous as envoyé un livre, mais nous, on ne pouvait pas le comprendre. Et on a fait du shirk ou on a fait du kufr parce qu'on ne pouvait pas le comprendre. Ça veut dire que Allah, il a créé tout, il a créé le paradis, l'enfer, il a créé les créatures. Et en fait, ça veut dire que les gens qui disent ça, et il a envoyé le message du Coran pour que les gens soient jugés, ils sont en train de dire sans se rendre compte que Allah Azzawajal, il leur a fait une faute. C'est ça? Puisque il va envoyer les prophètes, il crée le paradis, il crée l'enfer, mais finalement, le jour du jugement dernier, tu peux avoir une excuse parce que tu ne pouvais pas comprendre le Coran, parce que le Coran, il n'était pas à ton niveau. On ne peut pas croire ça sur Allah Azzawajal. D'accord? Au contraire, Allah Azzawajal, il l'a expliqué d'une manière simple, le tawhid, il a expliqué de manière simple le shirk, et il l'a répété dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets, de telle sorte à ce que les gens n'aient pas d'excuses. D'accord? La seule chose qui fait que les gens ne peuvent pas arriver à la science, à la compréhension minimale de la religion, c'est simplement de s'éloigner, le fait de s'éloigner de la religion et de s'éloigner de son apprentissage. Et là, c'est de leur faute, ils ne seront pas excusés. D'accord? Donc maintenant, il y a une autre ambiguïté, c'est celle qui touche les gens de. C'est celle qui touche notre rapport, nous, avec les savants. Et ici, il y a deux extrêmes. À savoir que, déjà, le savant en lui-même, ce n'est pas une preuve, mais le savant, il a des outils Il a étudié la langue arabe, il a étudié tafsir, il a étudié l'aqida, il a étudié usul fiqh, il a étudié le fiqh, il a étudié la jurisprudence, il a étudié les fondements de la jurisprudence. Il a tout un tas d'outils qui fait qu'après, il peut t'expliquer la religion. D'accord? Il peut t'expliquer la religion. Mais lui, en lui-même, ce n'est pas une preuve. Lui, quand il te parle, il faut qu'il te ramène une preuve de ce qu'il t'indique. Et lui, tu n'es pas obligé de le suivre. D'accord? Donc par rapport à ça, l'ambiguïté de beaucoup de gens aujourd'hui, par rapport aux savants, on va dire qu'il y a deux extrêmes déjà. Un extrême qui dit on n'a pas besoin des savants. Il n'y a aucun doute que ces gens-là se trompent, puisque comment tu vas comprendre la religion par toi-même? Tu ne peux pas comprendre par toi-même, d'accord? Si on ne te l'explique pas. Donc un extrême qui dit on n'a pas besoin des savants et il veut comprendre le Coran par lui-même. Un autre extrême qui quoi? Qui dit moi je suis le savant sur tout ce qu'il dit. D'accord? Même s'il ne le dit pas avec sa langue, lui c'est son état. Il a pris un savant et il aime un savant et il a mis ce savant, il l'a élevé. D'accord? Et il le suit sur tout. Le juste milieu c'est quoi? Le juste milieu c'est de respecter les savants. Et quand ils se trompent, de ne pas prendre leurs erreurs et de mettre leurs paroles, de peser leurs paroles par rapport au Coran et la Sunna. Comme il dit Ibn Taymiyyah, il n'appartient à personne de mettre une personne, à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle on va suivre, et par laquelle on va s'allier, et par laquelle on va se désavouer, et par laquelle on va suivre tout ce qu'elle dit. D'accord? En vérité, regardez, si on fait ça, eh bien, on fait sauter directement le témoignage de Mohammed Rasulullah. D'accord? Parce que les implications de Mohammed Rasulullah, c'est qu'il ne parle pas avec passion, c'est une révélation qui lui est faite. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un dit il y a un savant, et c'est pour ça que tout savant se trompe. Parce que si un savant ne se trompe pas, alors donc si tu le suivais ce savant qui ne se trompait pas, et le prophète Sassoum, c'est le même résultat, tu serais sur la vérité. Non, tout savant se trompe. Comme l'imam Malik a dit, il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on prend les paroles de toute personne, sauf l'habitant de cette tombe, et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ici, l'ambiguïté de beaucoup de gens, c'est quoi? C'est de croire que le Coran, on ne peut pas le comprendre. Et en plus, ils ont rajouté à ça le fait d'élever les savants par rapport à leur position. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, les compagnons lui ont dit, tu es le meilleur d'entre nous, fils du meilleur d'entre nous, meilleur d'entre nous. Ils lui ont dit ici que des choses qui sont vraies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quoi? Il leur a dit, n'exagérez pas, dites je suis le messager d'Allah et son adorateur, son serviteur. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Shaitan ne s'amuse pas avec vous comme il l'a fait avec les chrétiens. Les chrétiens, ils ont exagéré avec Isa alayhi salam jusqu'à ce qu'ils lui ont donné. Ils lui ont donné des caractéristiques divines qui n'appartiennent qu'à Allah. D'accord? Et donc le prophète Sassoum, pour fermer cette porte au mal, il a dit aux compagnons, n'exagérez pas, dites, je suis le serviteur d'Allah et son messager. D'accord? Donc ici, par rapport aux savants, nous, on doit être au juste milieu. C'est-à-dire que leurs paroles en eux-mêmes ne sont pas des preuves, mais elles ont besoin de preuves pour être appuyées. En vérité, l'ambiguïté ici, elle est dans quoi? Elle est dans la base de la compréhension de la religion. Et ici, ce n'est pas une phrase comme un perroquet qu'on doit répéter. On ne doit pas dire oui, la compréhension, on la comprend avec le Coran et la Sunna, et que le prophète Sassam, c'est lui qu'on doit suivre, et c'est lui qu'on doit suivre surtout. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, tu n'écoutes pas, et quand on te dit, savant un tel a dit, tu écoutes plus. Ici, regardez, une personne, quand on lui dit, Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il doit ouvrir ses oreilles, il doit ouvrir son cœur, et il doit prêter attention à ce qui est dit. Et il doit chercher deux choses. La première chose à comprendre et la deuxième chose à appliquer. D'accord? Et la parole, elle doit être chère pour lui. Tandis que, et si lui, il ne sent pas en lui, il faut qu'il, si lui, la personne ne sent pas ça en elle, il faut qu'elle guérisse. Faut qu'elle guérisse son cœur. D'accord? Donc il y a des personnes, tu lui dis, le professeur se m'a dit, ou Allah a dit, ça ne bouge pas. Et quand tu lui dis, un tel savant a dit, alors, là, il est content, il est rassuré, il est apaisé, et il écoute surtout. Comme il dit Mohamed Abdelwahab, dans Kitab Tawhid, il dit, il a un chapitre où il dit, la cause de la mécréance des enfants d'Adam, c'est l'exagération à propos des saints. Donc l'exagération, soit à propos des saints, soit à propos des savants, c'est une cause qui va te mener à la mécréance. Reste dans le juste milieu. Quand je vous parle de juste milieu, nous, on est une communauté de juste milieu et on est au juste milieu dans tous les sujets. On est juste milieu dans tous les sujets et on est juste milieu aussi par rapport à tous les thèmes. Donc on est au juste milieu par rapport aux savants. D'accord? Donc parmi les ambiguïtés aussi, et ça, alhamdoulilah, on a avancé dessus, c'est quoi? C'est la compréhension de l'hymen, la compréhension véritable de l'hymen. Une ambiguïté dessus, comme on entend les gens qui disent quoi? L'hymen, c'est dans le cœur. D'accord? Ça, c'est une ambiguïté. Et qui ne font pas d'acte extérieur. Mais il y a une autre ambiguïté aussi, pour les gens qui donnent la bonne définition de l'hymen, qui te disent que l'hymen, c'est des paroles et des actes, intérieur et extérieur, qu'il monte et qu'il descend. Ici, il y a l'ambiguïté, c'est quoi? C'est qu'il a dit une chose sur laquelle il n'a pas médité ou une chose qu'il ne va pas appliquer dans la réalité. Parce que quand tu dis que l'hymen, ça monte, ça descend et que c'est des paroles et des actes, alors il faut que la définition que tu as donnée, elle est une réalité dans la vie. Elle est une réalité tous les jours. D'accord? Parmi les ambiguïtés aussi qui sont données, c'est de faire croire aux musulmans que la démocratie, par exemple, c'est comme Shura, comme la consultation dans l'islam. Or, c'est des systèmes opposés. D'accord? La démocratie, c'est deux mots qui veulent dire pouvoir au peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui choisit les personnes qui vont représenter le peuple. Et ces personnes qui représentent le peuple, ils vont faire des lois, d'accord? Selon la volonté du peuple. Donc ici, c'est le pouvoir du peuple de faire des lois. D'accord? Ça, c'est la réalité de la démocratie. Et il y en a qui veulent faire croire aux gens que la démocratie, c'est comme la consultation dans l'islam. On voit bien que dans la démocratie, toutes les personnes votent et une voix égale une voix. Donc une personne, par exemple, qui a un doctorat en économie, qui comprend bien l'économie, et une personne bête qui ne comprend rien en économie, tous les deux, leurs voix, elles valent une. D'accord? Une personne qui est honnête et un pervers, tous les deux, leur voix, c'est une. Alors que dans ce jour-là, déjà, dans la consultation dans l'islam, déjà, c'est la loi d'Allah, donc on ne peut pas sortir des lois d'Allah. La deuxième chose, on ne va pas appeler tout le peuple, on appelle simplement les savants et les pieux. Donc on voit bien que la démocratie et l'islam sont deux systèmes qui ne sont pas du tout comparables. Donc ici, pour retenir des choses sur l'ambiguïté, donc l'ambiguïté, on a dit, elle arrive proportionnellement à l'absence de science. Et on a dit que Shaitan, il fait en sorte que les gens ne puissent pas étudier. Donc quand les gens n'étudient pas, Shaitan, il vient et il met les ambiguïtés qu'il souhaite après, d'accord? Donc proportionnellement à nos manques de science, proportionnellement, on va être susceptible d'attraper des ambiguïtés. Donc j'ai dit proportionnellement à nos manques de science, eh bien, on risque d'être touché par des ambiguïtés. Et plus notre science est forte et faible, et moins on va être touché par les ambiguïtés, d'accord? Donc ici, je voulais juste répéter, on a dit que ici, la science, quand elle est correcte, elle influe directement sur les actes du cœur et qui influe à leur tour sur l'extérieur. D'accord? Et donc, quand l'intérieur est bon, l'extérieur est bon. D'accord? Donc ici, les ambiguïtés, principalement, on a dit qu'elles atteignent les six piliers de la foi et principalement sur le premier pilier qui est la croyance en Allah. La croyance en Allah. D'accord? Cela, on va s'arrêter là, on continuera la prochaine fois. On demande à Allah, avec ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs, qu'il nous fasse aimer la foi, qu'il l'embellisse dans nos cœurs, qu'il nous fasse mourir musulmans, qu'il fasse qu'on soit en bien partout où on est, qu'il nous donne la science utile, qu'il nous apprenne ce qui nous est utile, qu'il pardonne aux musulmans et aux musulmanes, et qu'il nous préserve de toute ambiguïté, qu'il nous donne une science ferme qui repousse les ambiguïtés, et qu'il nous fasse mourir musulmans, et qu'on soit en bien partout où on va, qu'il renforce cette religion, qu'il fasse qu'elle prédomine sur toutes les autres religions. Qu'il nous donne la sincérité dans les paroles et les actes, et qu'il nous aime, on lui demande qu'il nous aime, inshallah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa barakallahu fikum. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là.